Venez tous avec joie, venez tous avec allégresse, venez tous les peuples de la terre, voici ce que Dieu fait pour nous. Et ce que vous entendez, c'est un hymne de Noël, venez tous avec joie, et c'est extrait du CD Le Verbe s'est fait chair. C'est la liturgie des sœurs apostoliques de Saint-Jean et c'est paru chez Apart Éditions. C'est un très beau CD pour ce temps de Noël, donc à la fois le temps de l'Avent puis le temps de Noël qui suit la fête de Noël. Et il est réalisé donc par ces sœurs apostoliques de la communauté Saint-Jean. Elles proposent 27 titres qui nous font découvrir des hymnes, des anciennes, des psaumes. Et c'est une liturgie qui est composée spécialement pour la communauté Saint-Jean par Magdalite qui est compositeur. Alors les voix féminines sont posées, priantes. Elles se posent avec nuance et harmonie sur ce chant grégorien qui est composé et à la fois qui s'inspire des racines du chant sacré de l'Église latine, mais qui est aussi ajusté à la langue française. La justice et le droit sont l'appui de son trône. Alors dans ce CD, on trouve donc toute une partie sur l'Avent. Il y a 9 titres, puis une partie qui s'appelle Noël, où là il y a 7 titres. Puis il y a une autre partie qui s'appelle la fête de notre Père Saint-Jean, puisque c'est la communauté Saint-Jean. Et cette fête, eh bien, elle est demain, c'est le 27 décembre. Puis il y a des chants, des hymnes pour la fête de la Sainte Famille et l'Épiphanie, donc qui sont début janvier. Et enfin, 2 titres pour les complis. Ça s'appelle « Le Verbe s'est fait chair », c'est la liturgie des saints apostoliques de Saint-Jean. Et c'est un vrai petit bonheur à écouter.